Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Oussama Farès. Yeah, bonjour mon Sofiane, merci de me recevoir aujourd'hui. Mais merci à toi d'avoir accepté l'invitation, c'est un plaisir. Ça fait plaisir, c'est drôle ça. C'est, quand tu m'as invité, je cherchais mes galères d'humoriste parce qu'il y en a des millions. Il y en a qu'on peut sortir public, d'autres que non. Ouais. Il y a peut-être 7 ans hein, déjà. J'ai toujours animé au secondaire, c'est-à-dire j'animais les trucs, ça s'appelait secondaire en spectacle. C'est des trucs, le secondaire, c'est le lycée. Très jeune, j'ai commencé. Dès que je suis arrivé au Québec, j'ai commencé à animer. D'accord. Et de fil en aiguille, j'ai fondé un groupe qui s'appelait Humour de rue. Avec des collègues à moi, on était 4 garçons et une fille de toute origine, un Portugais, un Brésilien, un Algérien, moi qui est Marocain et une Québécoise. Et c'était super, on a réussi à gagner le secondaire en spectacle de notre école. Après ça, on a fait le régional. On représentait, mettons, une région de l'école. Fait qu'on a commencé à gravir les échelons avec ce groupe-là. Fait qu'on a commencé à y croire. Et de fil en aiguille, on reçoit un appel. On nous demande de jouer au Club Soda, qui est une salle assez mythique à Montréal. C'est une salle d'une capacité de 1000 personnes debout, si je ne me trompe pas, peut-être 500, 600 assis. Fait que à cet âge-là, j'ai 18 ans. Hein. Je suis super content, tout se passe bien. Je reçois une offre. En plus, on nous demande de vendre des billets pour jouer. Fait que tu vois, là, ça commence déjà galère. On n'est pas payé, mais tu es content de faire une grande salle. Tu vois, j'étais mi-promoteur, mi-booker, mi-producteur, mi-sécurité. Mais on est content, alors on décide de... On prend ça vraiment au sérieux, on fait pas ça à l'arrache cette fois, on décide de prendre un prof de théâtre parce qu'on faisait un sketch de... C'était une équipe de hockey multi-ethnique. On prend un professeur de théâtre, on pratique tout ça. On est sérieux. Figure-toi, mon Sofiane, on est prêt, tout ça, les costumes. Moi, je me rappelle, je suis déguisé, je suis torse nu. Je me mets assez dans une position assez compliquée, mettons. Mais on me dit tout pour la blague, allons-y. Qu'est-ce qui arrive, mon Sofiane? On monte sur scène. Le spectacle, c'était un concours de talent. C'est-à-dire, il y avait plusieurs numéros, dont des numéros de chanteurs anglophones. La majorité du spectacle était des chanteurs anglophones. Moi, j'invite tous mes amis, tout ça. On vend des billets pour jouer. On vend une cinquantaine de billets sur 600. Figure-toi que les 550 autres personnes, ben, c'est des anglophones, mon ami. Alors, ils ne comprennent pas un mot de français. Eh oui, ah. Mon frère, eh oui. 7 minutes de pur silence. Je ne parle pas bien l'anglais, mais j'ai compris, cassez-vous de la scène. Oui, il y a du silence qui parle mieux anglais que nous, c'est sûr. Ouais, c'est... Exact, parler toutes les langues. Tu vois c'est et ça. Je pense même quelqu'un, moi je suis proche de la scène, je fais mes blagues et tout. Je pense quelqu'un qui m'a dit... You should to leave ou un truc comme ça, c'est-à-dire vous devriez partir. C'est quelqu'un. J'ai dit, espèce d'enfoiré, t'as pas compris une blague, mais t'as compris qu'il fallait que je parte, c'est ça. c'est dommage parce que du coup, j'imagine que t'avais rien de visuel en fait pour les accrocher quoi. Bah il y avait les costumes, on était assis, mais même si hein, c'était pas du burlesque, on comptait sur le texte plus que le jeu ou. Si ça avait été plus du slapstick comedy. Là, il y aurait eu plus de possibilités de les faire rire malgré la barrière de la langue, quoi. Voilà, maintenant, j'ai toujours un petit numéro de mime dans ma poche au cas où qu'il y ait un public anglophone. j'ai toujours mon célèbre numéro de Charlie Chaplin au cas où que j'arrive devant un public asiatique. C'est ce qu'il fallait. On sait jamais, tu vois. Non, mais c'est beau comme anecdote. Et puis quand même, dès le départ, tu as vu la difficulté et tu t'es retrouvé dans cette situation qui était vraiment compliquée. Et finalement... T'as quand même tenu le coup, je veux dire, t'as pas abandonné sur place ou quoi. Non, voilà. Et c'est drôle parce que Anas, Roman, moi je connais Anas du lycée, tu vois, c'est mon ami depuis qu'on a 12 ans, tout ça. Et Roman, on venait de faire le stage de l'École nationale de l'humour, c'est-à-dire on venait Roman Fraissinet, oui. Exact, et on venait de le faire, fait qu'on s'est connus et ça a cliqué. Et il était là et il a décidé avec Rosalie Vaillancourt de venir nous voir. D'accord. Ce soir-là. Ils nous ont vus se planter royalement. À cause de ce spectacle-là, les 5 années plus tard, je n'ai pas monté sur scène, j'ai fait de la production. Tu vois, on a produit des vidéos telles que Migraine, Post-Kawa, ces trucs comme ça. Uh-huh. Et comme tu vois, Le destin. J'ai appris un autre domaine à cause de cet échec-là. Ouais. Je ne sais pas si je devrais le prendre comme, bah, comme tu dis, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. J'ai forgé après, j'ai forgé d'autres trucs, mettons. Oui, voilà, mais tu as forgé d'autres talents que tu ne soupçonnais pas, peut-être. Ça t'a dirigé vers une autre, vers un autre domaine, mais heureusement, je veux dire, tu as pu en tirer une force quelque part, parce que maintenant, tu as plusieurs talents, tu vois, et du coup, tu sais que, bah là, par exemple, avec le coronavirus, peut-être que ça t'a permis de mieux appréhender la chose et de t'adapter, et tu vois ce que je veux dire. Ouais, bah oui, mais tu vois, l'avantage de commencer ces trucs-là très, très jeune, bah, c'est ça, c'est que tu développes plein de cordes à ton arc. Hein. L'humour, ça va tellement vite, ça change, tu vois, autant dans l'écriture, autant dans l'arrière-scène, autant dans la production de vidéos. Ça m'a permis d'ouvrir d'autres portes. Mais sur le coup, j'avais ni le recul, ni la maturité pour le digérer. Je suis pas mal en digestion, mais pas cette fois. Ouais, j'imagine, ouais, ça a dû être vraiment, vraiment compliqué. Mais l'intention était bonne. Et puis, tu dis que vous étiez vraiment des personnes de toutes les origines, tout ça. Donc, tu m'as dit qu'il y avait une Québécoise, un Marocain, un Algérien, un Portugais. On dirait le début d'une blague, hein, je te casse pas. C'est vrai. Et un Brésilien. Donc, c'est quand même pas mal. Hein. Et du coup, au niveau de vos répétitions, vous galériez pas trop je veux dire, vous, c'était quoi? C'était l'ONU qui vous filait des locaux ou comment ça se passe? C'était UNICEF. Ah, c'est beau, franchement, d'avoir un truc comme ça, un melting pot, parce que là, on dirait que vous l'avez fait exprès, mais j'imagine que c'était juste que vous étiez potes. Ouais, bah, exact, on s'est connus au cégep, c'est-à-dire les deux ans. Vous avez au système, c'est le lycée, mais vous avez 7 ans. Nous, on a 2 ans. Après, on fait 5 ans au lycée. Après, on a le cégep. D'accord. Et ouais, oui, on s'est connus là, à travers lui, il sait faire ça, elle sait faire ça. Viens, on se mélange et on essaie de faire quelque chose de bien. J'aime beaucoup moi travailler en équipe et tout, fait que c'est toujours important pour moi, étant bien entouré, en fait. C'est bien, c'est une très bonne chose. Et puis, tous les autres ont peut-être continué aussi dans l'humour. Non, en théâtre, certains en danse et d'autres, on en a perdu malheureusement dans le chemin, malheureusement il est décédé, d'autres en production de spectacle. Alors ouais, oui, mais quelque part, je veux dire, vous êtes tous restés à graviter autour de l'humour au final. Complètement, comme tout le monde a une carrière artistique. D'accord, bon, bah, c'est déjà bien. Vraiment, merci beaucoup Sama pour cette belle anecdote. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Instagram, Facebook, ainsi oui. Que vous allez me trouver devant les McDonald's de Montréal. Bon. Et ce qui est le plus fort, c'est que tu es devant chaque McDonald's en même temps. C'est ça qui est balèze, tu vois. Bah, bien sûr, c'est ça. J'ai un horaire très, très serré, tu vois. J'ai 15 minutes ici, 15 minutes là. Je me lève très tôt, monsieur. Je me lève très, très tôt. Eh ben vraiment ravi de t'avoir eu dans l'épisode, merci beaucoup. Tu as peut-être un YouTube ou un Twitter? Oui, on a Twitter, j'ai pas parce que j'écris beaucoup de fautes, je fais beaucoup de fautes d'orthographe. Par contre, oui, YouTube, Fishnet TV. Fishnet TV, d'accord, bah, je rajouterai ça du coup. Donc je mettrai Fishnet TV et je mettrai ta page Facebook et ta page Instagram. Ben, merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.